Chapitre 27e. Le lendemain du jour où le baron Lazarus avait raconté l'histoire du voltigeur au prince Manzazoli, celui-ci, vers 10 heures du matin, était à la fenêtre de sa chambre, occupé à faire sécher en plein air ou, plus justement, à éventer la nouvelle couche de teinture noire qu'il venait d'appliquer sur ses cheveux et sur sa barbe. Tout en se livrant à cette occupation et en soulevant de temps en temps ses cheveux, afin que l'air pénétrât jusqu'à la racine, le prince réfléchissait aux confidences de la veille et aux résultats favorables qu'il en pouvait tirer. Il y avait longtemps qu'il ne s'était senti l'esprit aussi libre, aussi dispos. Il n'avait point à craindre d'être relancé par un créancier exigeant et insolent. Il était assuré de bien déjeuner, tranquillement, longuement, et non d'une pauvre petite tasse de chocolat. Enfin, il jouissait du calme de la campagne et du bien-être d'un beau soleil, dont les rayons s'adoucissaient en traversant de légères vapeurs qui flottait au-dessus des arbres du parc. Décidément, tout n'était pas perdu. Les nuages se dissipaient, son couchant s'éclaircissait, il y aurait encore de beaux jours pour lui. Que ne pourrait-il pas avec la fortune de sa nièce? Dirigée par lui, Carmelita ferait ce qu'elle voudrait de son mari. Il était assez primitif, ce bon colonel, surtout dans les choses d'argent. En rentrant à Paris, on pourrait diminuer le nombre des leçons de Beillio. Il ne fallait pas que Carmelita se fatiguât. Au contraire, il importait de veiller à ce qu'elle gardât tout l'éclat de sa beauté. Comme il suivait ses idées tout en se tournant, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour exposer successivement ses cheveux aux rayons du soleil, il entendit un bruit de voix au-dessous de lui. Ces voix étaient celles de la marquise et de sa femme de chambre. La chambre que le prince occupait était au second étage, celle de la marquise au premier. Mais par suite d'une disposition particulière, les fenêtres de la marquise ouvraient sur une terrasse, tandis que celles du prince ouvraient tout simplement sur le vide. C'était sur ces terrasses que la marquise venait de s'asseoir, précisément au-dessous des fenêtres du prince, de telle sorte que celui-ci, en se penchant un peu, la voyait parfaitement sans qu'elle-même pût le voir, à moins de lever la tête et de regarder en l'air, ce à quoi du reste elle ne paraissait nullement songer. Elle était en toilette du matin, mais déjà prête pour descendre déjeuner. « Apportez-moi un guéridon, » dit-elle, « mon buvard et un encrier. » Vivement, la femme de chambre apporta tout ce que lui était demandé et disposa le guéridon devant la marquise. « Vous ne laisserez entrer personne, » dit madame de Lucilière. « J'ai des lettres à écrire. Je désire être seule jusqu'à l'heure du déjeuner. Ne me dérangez pas. Si monsieur le colonel Chamberlain fait demander à me voir, vous répondrez que je suis occupée. » La femme de chambre entra dans la chambre, et la marquise resta seule sur la terrasse, son guéridon devant elle. Un moment, le prince avait espéré que la marquise recevrait le colonel sur cette terrasse, de telle sorte que de sa fenêtre il entendrait leur entretien, ce qui pouvait avoir de l'intérêt et lui apprendre des détails bons à connaître. Cet ordre donné à la femme de chambre de ne laisser entrer personne le déconcerta. Que lui importait que la marquise écrivît des lettres? Il n'était pas de ceux, Dieu merci, qui restait en contemplation devant le chignon de madame de Lucilière. Encore, si par-dessus son épaule, il avait pu lire ce qu'elle écrivait. Pendant ce temps, la marquise avait ouvert son buvard et, dans une petite papeterie, elle avait pris du papier à lettres avec des enveloppes, puis elle s'était mise à écrire. Le prince, penché par-dessus l'appui de sa fenêtre, la voyait tracer de petites lignes noires sur le papier blanc. Mais les mots qui formaient ces lignes, il ne les distinguait pas. À qui écrivait-elle? À l'un de ses amants, sans doute. Si l'on pouvait parvenir à s'emparer de sa lettre, quelle arme contre elle, et quel moyen d'action sur le colonel? Mais comment s'emparer de cette lettre? Il n'y avait pas par malheur qu'à allonger le bras, un étage les séparait l'un de l'autre. Quel supplice de voir ce petit morceau de papier, qui pouvait devenir l'instrument de sa fortune, à 3 ou 4 mètres de sa main, et de ne pouvoir pas le prendre. Quel agacement de ne pouvoir pas voir les mots qu'elle traçait rapidement d'une écriture courue. Il distinguait leur forme, s'ils étaient longs ou courts, mais non leur sens. Comme il cherchait à reconnaître les lettres qui dansaient se mêler devant ses yeux, en se penchant par-dessus l'appui de la fenêtre, au point de s'exposer à tomber sur la tête de la marquise, s'irritant, s'exaspérant de son impuissance à déchiffrer ses maudites pattes de mouche, une idée lui traversa tout à coup l'esprit et le fit se redresser brusquement. Avant de venir à Chalençon, il avait, comme la marquise et la plupart des invités de celle-ci, assisté aux courses de Longchamp et, suivant son habitude, il avait emporté sa lorgnette. N'étant point, après les courses, rentré chez lui, il avait apporté cette lorgnette à Chalençon. Il se trouvait posé sur la cheminée de sa chambre. Vivement, il courut à cette cheminée et tira la lorgnette de son étui. Puis, examinant un arbre de la pelouse, il la mit au point sur les feuilles de cet arbre. Alors, revenant doucement à la fenêtre et se penchant avec précaution, de manière à n'être pas aperçu par la marquise, si celle-ci levait par hasard les yeux, il braqua sa lorgnette sur la lettre qu'elle écrivait. Mais il ne distingua rien tout d'abord et ne vit la lettre que confusément, à travers une sorte de brouillard. Il comprit que son point était mauvais et qu'il ne devait pas être le même pour cette lettre, placée à 3 ou 4 mètres, que pour l'arbre, placé à 15 ou 20. Alors il allongea les tubes de sa lorgnette au point de les développer presque dans leur entier. Aussitôt les mots tracés par la marquise se dessinèrent nettement devant ses yeux. C'était sa signature qu'elle écrivait à ce moment même, Henriette. Il allait donc lire cette lettre. Mais, comme de la dernière ligne, il remontait à la première, la marquise prit la feuille de papier et la plaça dans le buvard pour sécher l'encre. C'était vraiment joué de malheur, et le prince ne put retenir un geste de colère. Échoué, quand il allait réussir, la fortune le poursuivrait-elle donc toujours? Cependant, la marquise continuait de sécher tranquillement sa lettre dans le buvard en passant sa main gauche, à plusieurs reprises, sur la première feuille de papier rose. Lorsqu'elle jugea que l'encre était bue, elle reprit sa lettre et la plia en deux, puis elle la glissa dans l'enveloppe. Quel désappointement pour le prince! Une minute plus tôt, il lisait cette lettre. Mais il n'eut pas le temps de se perdre dans des regrets inutiles. Déjà, sur l'enveloppe, elle écrivait l'adresse. De nouveau, il appliqua ses yeux sur sa lorgnette. « Monsieur le duc de Mestosa. » Ainsi, c'était au duc de Mestosa que cette lettre était destinée. Ah, que n'avait-il eu l'idée de se servir de sa lorgnette aussitôt que la marquise avait commencé à écrire? Mot par mot, ligne par ligne, il aurait lu cette lettre, qui bien certainement lui eût appris des choses intéressantes et utiles. Que n'eût-il pas pu faire avec des renseignements précis, comme ceux qu'il eût trouvés dans cette lettre? L'adresse terminée, la marquise la plaça entre deux feuilles du buvard. Puis quand elle l'eut ainsi séchée, elle la mit dans la poche de sa robe. Ce soin prouvait que cette lettre ne devait être ni égarée ni vue, c'est-à-dire que son contenu était important. Comment se la procurer? La marquise allait-elle la jeter dans la boîte placée à l'entrée du vestibule? Cela n'était guère probable, car cette boîte était fermée par une petite porte vitrée, et si elle ne voulait pas qu'on sût qu'elle écrivait au duc de Mestosa, elle ne s'exposerait pas à ce que quelqu'un, s'approchant par hasard ou volontairement de cette boîte, pût lire le nom écrit par elle sur l'adresse de cette lettre. Et puis, quand même elle jetterait cette lettre dans la boîte, comment la prendre? Cette boîte était fermée à clé, et un domestique la vidait, 2 fois par jour, pour porter à la poste les lettres qu'elle contenait. Comment se procurer cette clé? Comment ouvrir cette boîte? Sans doute ce n'était pas là une difficulté insurmontable. Il pouvait très bien jeter lui-même une lettre quelconque dans la boîte, puis redemander cette lettre en disant qu'il avait changé d'avis et ne voulait plus la faire partir. Mais pour cela, il fallait se confier à un domestique. Il fallait l'acheter peut-être. En tout cas, il fallait s'exposer à une indiscrétion. Or, comme il ne voulait à aucun prix courir lui-même ce danger, il pensa à révéler ce qu'il venait de voir au baron. Moins prudent, le baron n'aurait pas sans doute ses scrupules, et bravement, lourdement, bêtement, il se chargerait de cette besogne, utile assurément, très utile même, mais désagréable. Il y avait une fable sur ce sujet, et le prince ne l'avait pas oublié. Si Dieu l'avait fait naître, propre à tirer marron du feu, certes, marron verrait beau jeu. Puisqu'il n'était pas propre à ce travail, il fallait en charger celui qui pouvait l'accomplir. S'il se brûlait les doigts, tant pis pour lui. Et puis, dans son rôle de raton, il serait vraiment drôle, le gros baron Lazarus bien plus près du cheval que du chat. La marquise avait pris une nouvelle feuille de papier, et elle se préparait à écrire une seconde lettre. Le prince se hâta de braquer sa lorgnette sur le guéridon. La marquise avait commencé. « My dear !» Décidément, la fatalité le poursuivait. Qui donc au château lui avait jeté le mauvais œil? Il ne savait pas l'anglais. La marquise allait écrire une lettre qu'il lirait, mais qu'il ne comprendrait pas. Il avait, dans son dépit, retiré les yeux de sa lorgnette. Machinalement, il les remit et regarda de nouveau. Les premiers mots seuls étaient en anglais. Le corps de la lettre, dont 2 lignes déjà étaient écrites, était en excellent français, parfaitement lisible, parfaitement compréhensible. À mon grand regret, je n'ai pas pu vous écrire hier, comme je vous l'avais promis. » Enfin, il tenait son secret. La main glissait légèrement sur le papier, et bien que l'écriture fût courue, elle était si nette et si distincte que le prince la lisait facilement à mesure que les caractères étaient tracés. « Les raisons, je vous les donnerai de vive voix. Vous plaît-il que ce soit vendredi ? Si oui, comme je l'espère, attendez-moi de 3 à 4 heures. Si je suis en retard, ce qui est possible, ne vous impatientez pas et dites-vous bien que je vous aime. Henriette. » À tout prix, il fallait se procurer cette lettre, n'importe comment. « Je vous aime. » L'aveu était formel. La marquise n'était pas de ces femmes qui ne peuvent pas se résigner à parler franchement. Elle écrivait comme elle agissait, sans ménagement d'aucune sorte et sans peur. La charmante petite femme, le prince eût été heureux de la féliciter. Comme pour sa première lettre, elle avait placé celle qu'elle venait d'écrire dans le buvard où elle avait pris une enveloppe. Mais le prince n'avait pas besoin de lire le nom qu'elle allait écrire. D'avance, il le connaissait. C'était celui de Lord Ferguson. Cependant, il resta la lorgnette braquée sur la table. Ce fut effectivement ce nom que la marquise écrivit sur l'enveloppe. Puis, cette lettre rejoignit la première dans la poche de la robe. Sans perdre de temps, elle se prépara à en écrire une troisième. Était-elle adorable? C'était un ange. Elle avait trempé la plume dans l'encrier et déjà elle écrivait. « Il vous a fallu votre vendredi, malgré tout. Vous l'avez voulu, vous l'avez exigé, eh bien, vous l'aurez, tyran. Mais désormais ne dites plus, n'est-ce pas, que je ne fais pas tout ce que vous désirez. Vous voyez que pour moi, vous avez supprimé le mot impossible. Et ça c'est pour calmer votre insupportable jalousie et vous convaincre. Vous me donnerez la réponse à cette question vendredi de 4 à 5 heures. À vendredi, votre vendredi, Henriette. » Pour qui cette lettre? Pour Serkis Pacha? Pour le prince Seratov? Pour un inconnu? Il n'eut pas longtemps à attendre pour être fixé sur ce point. Pendant que la lettre séchait dans le buvard, Madame de Lucilière avait pris une enveloppe. La lorgnette était attachée sur sa main, les caractères s'alignèrent sur le papier. C'était pour le prince Seratov. Et quand l'adresse eut passé par le buvard, cette lettre rejoignit dans la poche celle qui s'y trouvait déjà. Décidément, la bonne chance était pour lui, et de même qu'il s'était demandé qui avait pu lui jeter la jettatura, il chercha qui avait pu lui porter bonheur. La marquise était perdue, car il n'y avait pas à nier ses lettres ou à les expliquer. Elles étaient précises et, grâce à Dieu, assez nettes dans leurs détails pour convaincre l'esprit le plus obstinément prévenu. Malgré son aveuglement, le colonel verrait clair. Il ne pourrait pas n'être pas ébloui et convaincu qu'il avait des ribauds. Lord Ferguson, le prince Seratov et le duc de Mestosa aussi, sans doute. Car des deux dernières lettres, on pouvait conclure que la première était du même genre. Ce vendredi vraiment était bien employé. Et la marquise, qui écrivait au prince Seratov « Votre vendredi ». À cette pensée, le prince Mazzazzoli eut un sourire. Son vendredi et ses tours du Nord allaient se réjouir. Mais, si drôle que pût être cette pensée, il n'avait pas le temps de la caresser. Il lui fallait ses lettres. Car ces lettres, si compromettantes par elles-mêmes, ne révélaient aucun fait de nature à être rapportées. La marquise était au mieux avec Lord Ferguson, ainsi qu'avec le prince Seratov et probablement aussi avec le duc de Mestosa. Il n'y avait là rien d'extraordinaire ou d'imprévu. Cela était connu ou tout au moins soupçonné de tout le monde. Qu'on vint dire au colonel qu'elle aimait Lord Ferguson, qu'elle donnait un rendez-vous au prince Seratov, il demanderait, si toutefois il voulait bien écouter ce rapport, où ce rendez-vous devait avoir lieu. Et précisément, c'était ce que les lettres ne disaient pas. Et il fallait donc que ces lettres même fussent mises sous ses yeux. Il n'y avait que ce moyen de le persuader de telle façon qu'il ne resta pas place dans son esprit au doute, dans son cœur à l'irrésolution. Mais la difficulté était justement de les obtenir. Et malgré qu'il fût assez habile dans l'intrigue, le prince ne trouvait pas en ce moment de moyens certains et sûrs de réussir. Il fallait attendre et mettre les circonstances à profit. Mais en attendant, l'occasion ne lui échapperait-elle pas? Que fallait-il pour que ces lettres tombassent directement dans la boîte du bureau de poste? Un rien? Un hasard? Peut-être l'intention de la marquise était-elle de les garder dans sa poche, jusqu'au moment où elle descendrait elle-même au village? Alors il serait impossible de les avoir, car il ne pouvait pas espérer les prendre par force ou par adresse dans la poche de cette robe, où elles étaient bien cachées. Ne serait-il donc arrivé si près du but que pour le manquer? Ces réflexions avaient rapidement traversé son esprit, et il restait incertain, irrésolu, plein d'impatience, nerveux et fiévreux. La marquise avait repris la plume, il fallait suivre sa main. prièrent à M. Faugerolles de vouloir bien se rappeler. Il ne chercha pas à en lire davantage, une lettre à Faugerolles ne l'intéressait pas. Cependant, réfléchissant toujours, cherchant, il resta les yeux fixés sur la table, et bien que son esprit fût ailleurs, il ne perdit rien de ce que faisait Madame de Lucilière. Ce fut ainsi qu'il la vit écrire à Faugerolles un billet de 4 ou 5 lignes. Puis, ce billet terminé, il vit qu'elle le plaçait dans le buvard. Mais lorsqu'elle voulut le reprendre, elle ne le retrouva pas tout d'abord, ayant perdu les feuilles contre lesquelles elle l'avait placé. Alors elle ouvrit ses feuilles en plein, les unes après les autres. C'était machinalement que le prince la regardait, sans prendre grande attention à sa recherche. Que lui importait ? Mais il remarqua que les lettres qu'elle avait placées dans le buvard aussitôt après les avoir écrites avaient laissé leur empreinte sur le papier, qui avait bu leur encre humide et qu'elle s'y était imprimée pour ainsi dire. Pour son esprit surexcité, cette remarque fut un trait de lumière. Qu'il eût ce buvard et il n'avait pas besoin des lettres. Le buvard était-il plus facile à obtenir que les lettres ? Toute la question était là désormais. Au moment où il réfléchissait à cela, la cloche du déjeuner sonna et la marquise, qui venait d'écrire l'adresse de Faugerolles, se leva pour descendre. Qu'allait-elle faire du buvard ? Elle ne s'en inquiéta pas, et après avoir tâté sa poche par un mouvement machinal, pour être bien certaine que les lettres s'y trouvaient, elle rentra dans sa chambre. Le buvard était resté sur le guéridon. Le prince respira. Il avait le temps de peser sa résolution. Après quelques secondes, son plan fut arrêté, mais il attendit encore pour le mettre à exécution. Enfin, quand il pensa que tout le monde était à table, il prit un mouchoir et, après l'avoir déplié, il le laissa tomber sur la terrasse à 2 pas du guéridon. Cet artifice était imité de celui des Rosines. « Ma chanson est tombée, courez donc, elle sera perdue. » Il avait un prétexte pour se trouver sur cette terrasse si on l'apercevait. Il cherchait non pas sa chanson mais son mouchoir qui venait de tomber. Il descendit et frappa la porte de la chambre de la marquise. Personne ne lui répondit. Tout le monde était au rez-de-chaussée. Alors il entra et courut à la terrasse. Le buvard, bien entendu, était resté à sa place. Prendre ce buvard, il n'y fallait pas songer. Mais une feuille ou deux, celle qui gardait l'empreinte des lettres, cela était sans doute possible. Il ouvrit le buvard. Il se composait d'un cahier de gros papier rouge dont les feuilles étaient réunies par un fil élastique attaché au maroquin en haut et en bas. Rien n'était plus facile que d'enlever une ou deux de ces feuilles. Celle qui gardait l'empreinte des lettres qu'il venait de lire. Il les chercha et les trouva. Alors, les retirant avec précaution, il les mit dans sa poche et après avoir ramassé son mouchoir, il quitta la terrasse et sortit de la chambre. Personne ne l'avait vu.